Avant de se coucher, Rastignac, ayant demandé des renseignements à l'ecclésiastique sur le prix du service à faire et sur celui de convoi, écrivit un mot au baron de Nucingen et au comte de Restaud, en les priant d'envoyer leurs gens d'affaires afin de pourvoir à tous les frais de l'enterrement. Il leur dépêcha Christophe, puis il se coucha et s'endormit, accablé de fatigue. Le lendemain matin, Bianchon et Rastignac furent obligés d'aller déclarer eux-mêmes le décès, qui, vers midi, fut constaté. 2 heures après, aucun des deux gendres n'avait envoyé d'argent. Personne ne s'était présenté en leur nom, et Rastignac avait été forcé déjà de payer les frais du prêtre. Sylvie, ayant demandé 6 francs pour ensevelir le bonhomme et le coup dans un linceul, Eugène et Bianchon calculèrent que si les parents du mort ne voulaient se mêler de rien, ils auraient à peine de quoi pourvoir aux frais. L'étudiant en médecine se chargea donc de mettre lui-même le cadavre dans une bière de pauvre qu'il fit apporter de son hôpital, où il l'eut à meilleur marché. « Fais une farce assez drôle là, » dit-il à Eugène. « Va acheter un terrain pour 5 ans au Père Lachaise et commande un service de 3e classe à l'église et aux pompes funèbres. Si les gendres et les filles se refusent à te rembourser, tu feras graver sur la tombe « C.J. Monsieur Goriot, père de la comtesse de Restaud et de la baronne de Nucingen, enterré aux frais de 2 étudiants. » Eugène ne suivit le conseil de son ami qu'après avoir été infructueusement chez Monsieur et Madame Nucingen et chez Monsieur et Madame de Restaud. Il n'alla pas plus loin que la porte. Chacun des concierges avait des ordres sévères. « Monsieur et Madame, dirent-ils, ne reçoivent personne. Leur père est mort et ils sont plongés dans la plus vive douleur. »